إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، nous sommes toujours dans l'explication de aqidat al-imam al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et nous nous étions arrêtés à l'explication de ce qu'était al-murji'a, et nous avions vu que les pires de al-murji'a ce sont al-jahmiya, et nous avions vu que ces gens-là, eh bien, disaient que celui qui commet des grands péchés est dans une situation entre deux, entre la croyance et la mécréance. والمعتزلة أحدثوا كما مر بنا المنزلة بين المنزلتين. Et donc, المعتزلة, ils ont innové cette parole et ont dit que la personne qui commet des grands péchés, eh bien, il n'est ni croyant ni mécréant. قالوا ليس بمؤمن ولا كافر وقولهم باطل. Et cette parole, c'est une parole qui est fausse. لأنه لا يوجد أحد ليس بمؤمن وليس بكافر. Pourquoi? Parce qu'il ne y a personne ou personne ne peut se retrouver dans une telle situation, ni être croyant ni être mécréant. Imma an yakuna mu'minan wa imma an yakuna kafira. La personne, soit elle est croyante, soit elle est mécréante. Limadha? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qala huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir faminkum mu'min wa minkum faminkum kafir wa minkum mu'min. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et c'est lui qui vous a créé, parmi vous il y a des mécréants, et parmi vous, il y a des croyants. Imma kafir, wa imma mu'min. Wal mu'min imma mu'minun kamilun al-iman, wa imma mu'min naqisul iman. Et le croyant, soit il est croyant d'une foi complète, parfaite, soit il est croyant avec une foi réduite. Wa qawluhu, وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية المرجئة مر بنا تعريفهم وهم الذين يقولون إن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان والوعيدية هم الذين ينفذون نصوص الوعيد ويحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخروج من الإسلام. Et donc Sheikh nous dit que أهل السنة, au sujet de la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont, eh bien, entre al-murji'a, entre le groupe des murji'a et les groupes de l'wa'idiyya. Al-murji'a, comme on a dit, ce sont ceux qui disent que les œuvres et les actes ne rentrent pas dans la foi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire d'actes pour être croyant. Wal-wa'idiyya, ce sont eux qui appliquent, eh bien, les textes où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala menace de son châtiment. Et ce sont eux également qui juge que celui qui a commis un grand péché, eh bien, il est mécréant et qu'il sort de l'islam. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله ولهم ورثة الآن من المتعالمين والجهال الذين لا يحسنون الاستدلال. Et donc ceci, le fait de dire que celui qui commet un grand péché sort de l'islam et devient mécréant, eh bien celui-là, ou ce sentier-là et cette voie-là, c'est la voie des khawarij, des kharijites. Et ces gens-là, ils ont des héritiers à l'heure actuelle, parmi les ignorants. Parmi les ignorants qui, eh bien, ne comprennent pas les textes et les preuves du Coran et de la Sunna. لا يفقهون الأدلة ولا يراجعون عقيدة السلف. Ils ne comprennent pas les preuves et ils ne reviennent pas à la croyance des pieux prédécesseurs. فيأخذون النصوص ويتلاعبون بها. Et ils prennent les textes du Coran et de la Sunna et ils jouent avec ces textes. ويحكمون على الناس بالكفر والخروج من الدين. Et ils appliquent le jugement, eh bien, sur les gens en les faisant sortir de l'islam et en les faisant sortir de la religion. ثم يحملون عليهم السلاح كما فعل ذلك أسلافهم من الحرورية. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. Et après cela, après avoir appliqué sur eux une telle sentence et un tel jugement en disant qu'ils sont mécréants, eh bien, ils portent les armes contre ces gens-là et les tuent. Comme, eh bien, ont fait leurs prédécesseurs, Al-Haruriya. ثم قال الشيخ وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. Ensuite, Cheikh, il nous dit que, eh bien, Ahle Sunna wal Jama'a, ils occupent le juste milieu. Ils occupent le juste milieu concernant la foi et concernant la religion. Ils sont dans le juste milieu entre Al-Haruriya, le groupe des Haruri, et Al-Mu'tazila. Et ils sont également entre le Murji'a et le Jahmiya. Ils sont dans le juste milieu concernant les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont entre Al-Rawafid ou Al-Khawarij. Ils sont entre les Rafidites et Al-Khawarij. Wa qawluhu Al-Haruriya ou Al-Mu'tazila. Al-Haruriya hum Al-Khawarij. Al-Haruriya, ce sont Al-Khawarij. Summu bil-Haruriya. لأنهم اجتمعوا في مكان في العراق يقال له حارورا. Pourquoi ils sont appelés al-Haruriya? Parce que ces gens-là, eh bien, se sont réunis dans un endroit en Irak qui s'appelle Harura. اجتمعوا فيه لحرب المسلمين. Ils se sont réunis pour combattre les musulmans et pour leur faire la guerre. فسموا بالحارورية. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été appelés حرورية. وكل من اعتقد مذهبهم يقال له حروري. Et tous ceux qui suivent leur voie et qui ont la même croyance que croyance erronée, cela va de soi, eh bien, il sera appelé حروري. لأنهم على مذهب الحرورية. Pourquoi? Parce qu'ils seront sur la même voie que ces gens-là. والمعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن Al-Basri. Et le Mu'tazila, eh bien, eux, ce sont les suiveurs de Wasil ibn Atta qui, eh bien, s'est écarté des assises de Hassan al-Basri. Et c'est lui qui a dit que, eh bien, celui qui commet un grand péché, il est entre les deux, entre la croyance et la mécréance. Il a une place entre les deux. Wa ahlus sunnah, wasatun fi jami'i umuriddin. Les gens de la Sunna, ils sont dans le juste milieu concernant la religion. Concernant tous les sujets de la religion, Ahl Sunna wal Jama'a, ils sont dans le juste milieu, walillahilhamd. بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتساهل. Les gens de la sunna et du consensus, ils sont entre l'exagération et le laxisme. Ils sont entre l'exagération et le laxisme. كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Du juste milieu. والوسط هو العدل الخيار المتوسط بين طرفين. Et le juste milieu, c'est quoi? Le juste milieu, c'est l'équité et la modération. Et le juste milieu, il est entre deux extrêmes. Entre le laxisme, d'un côté, et entre l'exagération et l'excès, de l'autre. فالإفراط أخذ به الخوارج والتفريط أخذ به المرجئة. L'exagération, ce sont les khawarij qui ont exagéré concernant la religion. Et le laxisme, ce sont qui ont exagéré ou qui ont fait du laxisme dans la religion? Ce sont les murji'a. وأهل السنة وسط ولله الحمد بين هذا وهذا. Donc les khawarij, ils ont fait de l'exagération en disant que celui qui commet un grand péché sort de l'islam. Et quant à les murji'a, ils ont fait du laxisme en disant que celui qui commet des grands péchés, il a la même foi que la foi d'Abu Bakr et il a une foi complète comme celle de Jibril. Mais Ahl Sunnah, ils sont entre ces deux parties-là. Ils sont entre le laxisme et entre l'exagération. وَقَوْلُهُ فِي بَابِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ensuite, Cheikh nous dit, Ahl Sunna, ils sont dans le juste milieu concernant les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As-sahaba, jam'u sahabi. Sahaba, c'est le pluriel de sahabi. C'est le pluriel d'un compagnon. Wa huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. As-sahabi, man huwa. Le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a rencontré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croyant, et qui est mort en croyant à Muhammad alayhi salatu wa sallam. فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. Quand ils disent, les savants, que le compagnon c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sort alors ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'ont jamais rencontré, même s'il vivait à son époque. C'est-à-dire celui qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a jamais rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam n'est pas considéré comme un compagnon. هَذَا لَا يُسَمَّ صَحَابِيًّا. Celui-là, on ne l'appellera pas compagnon. Il ne sera pas considéré comme étant un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas vu, même s'il a cru en lui qu'il a vécu à la même époque. مِثْل النجاشي فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه. Par exemple, النجاشي, en français le négus, il a cru au prophète عليه الصلاة والسلام, mais il n'a jamais rencontré le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. فلا يقال إنه صحابي. Donc on ne peut pas considérer que النجاشي, c'est un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, même s'il a vécu à son époque et qu'il a cru au message avec lequel était venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas rencontré, donc on ne peut pas considérer que c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب. Et donc, quand Najashi est décédé, est mort, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé les compagnons. Et il est sorti avec les compagnons et il a prié la prière de l'absent, yani sur celui qui, yani la prière mortuaire, en absence de, du corps de Najashi. ثم قال يعني قال العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. Et donc ils disent que celui qui a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم en croyant au prophète صلى الله عليه وسلم, يعني celui qui a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم tout en croyant en ce quoi, en ce avec quoi il est venu, sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, on sort ceux, eh bien, qui ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'ont pas cru en son message. فَإِنَّ الْكُفَّارِ لَقَوْا النَّبِيَّ sallallahu alayhi wa sallam لَقَوْهُ وَرَأَوْهُ وَاجْتَمَعُوا بِهِ. Les mécréants, eh bien, ils ont vu le prophète. Ils ont rencontré le prophète. Ils se sont assis, certains d'entre eux, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, comme ils n'ont pas cru en lui, donc on ne peut pas considérer ces gens-là comme des compagnons. وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ يُخْرِجُ بِذَلِكَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَآمَنَ بِهِ وَصَارَ صَحَابِيًّا ثُمَّ ارْتَدْ. Également, parmi les conditions pour être un compagnon, il faut que la personne ait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ait cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et soit mort en croyant au message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on sort de cette catégorie ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ensuite ont apostasié. فَإِنَّهُ تُبْتِلُ صُحْبَتُهُ وَجَمِيعُ أَعْمَالِهِ مِنَ الصُّحْبَةِ وَغَيْرِهَا إِذَا مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ. Et donc, celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a cru au prophète alayhi salatu wa sallam et ensuite eh bien a apostasié et a rejeté le message avec lequel est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien celui-là ne sera pas considéré comme un compagnon et ses œuvres ainsi que le fait qu'il ait été compagnon seront caduques et invalidées. Pourquoi? Parce qu'il est mort sur eh bien autre que l'islam. فقال الله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الله سبحانه وتعالى نجي et ceux qui apostasient et qui rejettent parmi vous leur religion et qui meurent alors qu'ils sont en état de mécréance, eh bien cela leurs œuvres seront vaines et annulées, que ce soit ici-bas et dans l'au-delà, et ceux-là sont les compagnons du feu, pour, afin d'y demeurer éternellement. أَمَّا لَوْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَادَتْ إِلَيْهِ الصُّحْبَةِ وَجَمِيعُ الْأَعْمَالِ الَّتِي فَعَلَهَا قَبْلَ الرِّدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقَالَ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَتُوبُ وَلَا يَمُتْ عَلَى الْكُفْرِ أَنَّهُ لَا تُحْبَطْ أَعْمَالُهُ لِأَنَّ اللَّهَ شَرَّطَ لِحُبُوطِ الْأَعْمَالِ شَرْطَيْنِ. Et donc celui qui s'est repenti et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir, c'est-à-dire qu'il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il a renié la foi, mais après cela, eh bien, il s'est repenti, Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jal a accepté son repentir, eh bien il redevient compagnon. Et toutes ses œuvres, eh bien, qu'il a faites en étant compagnon avant, eh bien, redeviennent valides d'après la parole authentique. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et celui qui meurt alors qu'il est mécréant. » Donc, ce verset-là prouve que celui qui meurt, celui qui se repent avant de mourir mécréant, eh bien, ses œuvres ne seront pas annulées et invalidées. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a posé comme deux conditions pour annuler les œuvres. Il a posé l'awwal an yartad wa thani an yamuta wa huwa kafir. Pour que les œuvres de la personne soit annulé, Allah subhanahu wa ta'ala a posé deux conditions. La première des conditions, c'est l'apostasie. C'est qu'il aposte, yani qu'il renie sa religion. Et la deuxième des conditions, c'est qu'il meure tout en étant mécréant. Tout en étant mécréant. فهذا هو الذي يحبط عمله من الصحبة وغيرها. Celui-là, eh bien, ses œuvres seront invalides. Celui qui apostasie et celui qui meurt sur cette mécréance, celui-là, ses œuvres seront, eh bien, invalidées. Mais celui qui apostasie et ensuite qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, se repent et qui ne meurt pas mécréant, eh bien, cela, ses œuvres seront comptées. والواجب على المسلمين في حق الصحابة محبتهم والاقتداء بهم والثناء عليهم وإكرامهم. Et ce qui est obligatoire pour chaque musulman concernant les compagnons رضي الله عنهم, c'est quoi? C'est de les aimer. C'est de les suivre. D'évoquer ou de faire leurs éloges et également de les respecter. لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا معه وتلقوا العلم منه. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, ce sont eux qui ont combattu avec lui. Et ce sont eux qui ont pris la science directement du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. وَبَلَّغُوهُ لِلْأُمَّةِ. Et c'est eux qui ont transmis cette science à la communauté musulmane. رضي الله عنهم وأرضاهم. والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, et quant au premier parmi les muhajirin, les émigrés, et l'ansar, les habitants de Médine, et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait d'eux, et eux ont été satisfaits de lui. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, afin d'y demeurer éternellement, et voilà l'énorme succès. فقال الله سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان. Et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. اتبعوهم أي اقتدوا بهم وصاروا على نهجهم. يعني qui les ont suivis, c'est-à-dire qu'ils les ont pris en exemple et qui ont pris leur chemin. وبإحسان. Avec bienfaisance, ça veut dire quoi? لا يتبعون الصحابة دون معرفة لمذهبهم. C'est-à-dire, ils suivent les compagnons ou ils ne suivent pas les compagnons sans connaître, eh bien, leur chemin, leur voie. هذا اتباع بغير إحسان. Celui qui suit les compagnons sans connaître leur voie, eh bien, cela sera été un suivi qui n'est pas dans la bienfaisance. والإحسان معناه الإتقان. والإتقان لا يكون إلا بمعرفة الشيء وفقه. Et donc, l'ihsan, la bienfaisance, eh bien, ne peut être effective que en connaissant la chose. Et qu'en, eh bien, apprenant cette chose. فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال أنا على مذهب السلف يكون كذلك. Car c'est pas tous ceux qui se prétendent, eh bien, suivre les compagnons et qui dit moi je suis sur la voie des pieux prédécesseurs qu'il l'est obligatoirement. يعني فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال أنا على مذهب السلف يكون كذلك حتى يكون محسنا. Donc ce n'est pas parce que la personne elle dit que je suis les plus prédécesseurs, eh bien, qu'elle les suive. Mais il faut qu'elle les suive dans la bienfaisance. يعني متقنا لهذا l'iqtida. C'est-à-dire qu'il doit les suivre parfaitement. Qu'il doit les suivre complètement. وَهَذَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالتَّعَلُّمِ. Et cela ne pourra être effectif que, eh bien, en apprenant. Qu'en apprenant, eh bien, leur chemin et leur voie. لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْإِنْتِسَابِ أَوْ بِمُجَرَّدِ الرَّغْبَةِ فِي الْخَيْرِ أَوْ الْمَحَبَّةِ لِلْخَيْرِ. Et ce n'est pas juste, eh bien, le fait, eh bien, de se prétendre suivre les compagnons ou aimer les compagnons, etc., que obligatoirement, eh bien, tu seras sur leur voie et sur leur chemin. لا بد أن تعرف ما عليه الصحابة معرفة تامة ثم تتابعهم عليه. Donc, il est obligatoire de connaître la chose sur laquelle étaient les compagnons. Tu dois connaître parfaitement cette chose-là et ensuite, tu dois suivre cette chose-là. أما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع. Mais le fait de se prétendre suivre quelque chose ou quelqu'un ou les compagnons, eh bien, cela, ça ne suffit pas. Il faut apprendre et savoir et connaître la chose sur laquelle ils étaient ensuite l'appliquer. فَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ أي لم يغلوا ولم يتساهلوا في متابعة الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الإحسان يكون بين الغلو وبين التساهل. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait ni d'exagération, ni ils n'ont été laxistes dans le suivi des compagnons radiyallahu anhum. Et ceci est la bienfaisance, l'ihsan. C'est-à-dire que la personne doit être entre l'excès et entre le laxisme. C'est-à-dire qu'il doit être dans le juste milieu, dans leur suivi. وقال تعالى ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذه صفات الصحابة. الله سبحانه وتعالى ينجي من القرآن. Et certes, Allah Azza wa Jal a agréé ceux parmi les croyants qui t'ont fait acte d'allégeance sous l'arbre. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants. Et miséricordieux entre eux, tu les vois inclinés, prosternés, recherchant un bienfait de leur Seigneur et son agrément, et les traces de la prosternation sont visibles sur leur visage. Ceci, eh bien, sont les caractéristiques des compagnons, radiyallahu anhum. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ يَعْنِي صِفَتُهُمْ. Ceci est leur exemple, c'est-à-dire, ceci est leur caractéristique. فِي التَّوْرَةِ. Ceci était leur caractéristique, tels qu'ils étaient décrits dans la Torah. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. Et dans l'évangile, leur exemple est tel une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, puis s'épaissit, puis se dresse sur sa tige, à l'émerveillement et bien des semeurs. Et par eux, par les compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala a rempli de dépit et bien les mécréants. As-sahabatu awwal ma bada'a al-islam kanu afradan qalilin. Les compagnons au début de l'islam, ils n'étaient que très peu. Fa su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi Makkah fa qila lahu man ma'aka 'ala hadha al-amr fa qala hurrun wa 'abd. Hurr wa 'abd. حر وهو أبو بكر رضي الله عنه وعبد هو بلال. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que les compagnons, ils étaient peu au début. Il a été questionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, au début de la prophétie, et on lui a demandé, qui est avec toi sur cette religion? Il a dit, il est avec moi un homme libre et un esclave. L'homme libre Abu Bakr et l'esclave Bilal, deux personnes. Quand on l'a questionné. Au début, les compagnons, radiyallahu anhum, étaient très peu. هذا أول ما بدأ الإسلام لم يكن معه إلا قليل. Très peu de personnes étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أو يعني سيعود غريبا كما بدأ. Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit l'islam a commencé étranger. Et il redeviendra étranger comme il a commencé. Comme il a commencé. بدأ الإسلام على هذا المبدأ. ثم تكاثر الصحابة حتى بلغوا مبلغ الكمال. Donc l'islam a commencé, comme on a dit, avec très peu de personnes. Ensuite, les compagnons se sont multipliés et sont devenus de plus en plus nombreux jusqu'à ce qu'ils atteignent eh bien, un nombre important. وقوله تعالى كزرع أخرج شطأه يعني فراخة. Ensuite, il nous dit comme eh bien, une semence qui sort sa pousse. يعني qui sort eh bien, plusieurs tiges. فالحبة الواحدة أول ما تظهر تكون قصبة واحدة أو تكون قصبة واحدة ثم تفرخ ويصير بجانبها فراخها. Et après cela, eh bien, ça, يعني, une graine en poussant, eh bien, laisse apparaître une tige, puis plusieurs tiges s'ajoutent à elle. والصحابة كذلك. Les compagnons, c'est ainsi. أول ما نشأوا كانوا قلة. Au début, ils étaient très peu nombreux. Au début de l'islam. ثم تكاثروا مثل ما يتكاثر الزرع بالفراخ كزرع أخرج شطأه فآزره يعني قواه وأيده فاستغلظ فاستوى على سوقه ارتفع على قصبه يعجب زراع من حسنه هذه صفة الصحابة. Et donc ensuite, les compagnons se sont multipliés comme eh bien une graine qui sort, eh bien ça pousse et après, eh bien sa tige se dresse et avec cette tige, plusieurs tiges viennent eh bien, s'ajouter à celle-là. C'est-à-dire qu'elle la renforce et elle les soutient. Comme les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, yu'jibu az-zurra', c'est-à-dire qu'ils émerveillent les semeurs. Pourquoi? Eh bien, de par leur beauté et de par eh bien, leur excellence dans l'application de l'islam. Et ceci, eh bien, est la caractéristique des compagnons, radiyallahu anhum. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ afin que par eux, Allah subhanahu wa ta'ala, par les compagnons, par la cause des compagnons, eh bien, ne remplit de dépit les mécréants. لِيَغِيظَ بِالصَّحَابَةِ الْكُفَّارِ فَالَّذِينَ يَتَغَاظُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَيُبْغِضُونَهُمْ هُمُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقُونَ. Ceux qui eh bien, emplissent de dépit les mécréants et les hypocrites, ce sont les compagnons. وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ يُبْغِضُ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ كَافِرٌ. Et les gens de science, les savants, ont pris eh bien, ce verset comme argument pour dire que celui qui hait et qui déteste les compagnons, eh bien, c'est un mécréant. C'est un mécréant. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَ قَالَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ afin que par leur intermédiaire, Allah subhanahu wa ta'ala n'emplit de dépit eh bien, les mécréants. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم بهذه الأوصاف العظيمة ثم قال أولئك هم الصادقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, les besogneux parmi les émigrés et ceux qui ont été sortis de leur demeure ainsi que de leurs biens, ne recherchant qu'un bienfait et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son agrément, portaient secours à la cause d'Allah et à celle de son messager. Ceux-là sont les véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala a donné des compagnons, radiallahu anhum, et bien ces caractéristiques merveilleuses, et énormes, et grandioses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ceux-là sont les véridiques, en parlant des compagnons, radiallahu anhum. Thumma qala fil ansar. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, et bien, il parle des ansar, yani des habitants de Médine, et il dit, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des habitants de Médine, il dit, et ceux qui se sont installés avant eux dans le pays, yani à Médine, et dans la foi, aiment ceux qui émigrent vers eux, yani les habitants de Mecca, les compagnons parmi les habitants de la Mecque. Et ils ne ressentent dans leur cœur aucune rancœur de ce qui leur a été donné. Mais au contraire, eh bien, il leur donne, il donne yani, à ceux qui sont venus, même si eux, ils sont en pleine pénurie. Et celui qui se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là, eh bien, sont les victorieux et les gagnants. وَهَذِهِ فِي صِفَةِ الْأَنصَارِ. Et ceux-là, eh bien, ce sont parmi les caractéristiques des habitants de Médine. وَالْآيَةِ الْأُولَى فِي الْمُهَاجِرِينَ. Premier verset, il concerne les émigrés, les compagnons qui ont émigré de Mecca à Médine. Et la deuxième, fil ansar. Et la deuxième, eh bien, elle donne les caractéristiques des habitants de Médine. ثُمَّ قَالَ فِي التَّابِعِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après cela, il parle de leurs successeurs et il dit, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Et ceux qui sont venus après eux, après les compagnons, après المهاجرين والأنصار وهذا يشمل من جاء من بعدهم إلى يوم القيامة. Et ce verset eh bien englobe tous ceux qui sont venus après les compagnons jusqu'au jour de la résurrection, tous ceux qui viennent après les compagnons jusqu'au jour de la résurrection. والذين جاءوا من بعدهم, ceux qui sont venus après eux, يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui sont venus après, les compagnons? Ils disent, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur. يَعْنِ بُغْضًا. C'est-à-dire, ne mets aucune haine dans nos cœurs concernant, eh bien, nos frères. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et ne mets aucune haine et aucune rancœur dans nos cœurs concernant ceux qui ont cru. رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, tu es le plus, eh bien, compatissant et le plus miséricordieux. هَذِهِ صِفَةُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Cela, eh bien, c'est la caractéristique de la communauté de Muhammad صلى الله عليه وسلم. Parmi les muhajirin wal ansar, والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. Donc parmi les muhajirin, les habitants de la Mecque qui ont émigré à Médine, et parmi les habitants de Médine qui étaient déjà sur place, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Cela, eh bien, c'est leur caractéristique. فالواجب للصحابة محبتهم والثناء عليهم واتباعهم والاقتداء بهم. Donc notre devoir concernant les compagnons, c'est de les aimer, de vanter leurs mérites, de faire leurs éloges, de les suivre. وعدم الخوض فيما جرى بينهم في ايام الفتنه. Également, il est de notre devoir de ne pas débattre et de ne pas conjecturer sur ce qui s'est passé entre eux, eh bien, lors des troubles. les jours de trouble qu'il s'est passé entre eux. لا تدخل في هذا أبدا أيها المؤمن ولا تخض فيه ولا تخطي بعضهم وتصوب بعضهم. Le croyant, le cheikh nous dit, ô toi qui es croyant, ne rentre jamais dans ces histoires. Ne rentre jamais dans le fait de débattre concernant ce qui s'est passé entre les compagnons lors de la période de trouble. Ne débat jamais, ne conjecture pas à ce sujet. Ne dis pas qu'un tel a eu raison ou certains ont eu raison et d'autres ont eu tort. لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ. Pourquoi ? Parce que les compagnons, eh bien, ont fait un effort de recherche. يُرِيدُونَ الْحَقِّ. Et chacun d'entre eux voulait la vérité. Chacun d'entre eux voulait la vérité. فَعَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ لِسَانَكَ وَلَا تَتَكَلَّمَ فِيهِمْ. Donc il convient, et il est de notre devoir, eh bien, de retenir nos langues concernant les compagnons et de ne pas parler et de ne pas débattre sur ce qui s'est passé entre eux lors des périodes de trouble. ويجب أن تحفظ فيهم وصية الله تبارك وتعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. Également, il est de notre devoir, eh bien, de préserver la recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager concernant les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, n'insultez pas mes compagnons. N'insultez pas mes compagnons par celui qui détient mon âme entre sa main. Si l'un d'entre vous avait dépensé l'équivalent du mont Uhud en or, il n'aurait même pas dépassé une poignée d'or ou la moitié de ce qu'ils auraient, eh bien, dépensé. Wa qala alayhi salatu wassalam, craignez Allah azza wa jal concernant mes compagnons et ne les prenez pas ou ne cherchez pas à leur nuire. Wa hubbu as-sahaba min hubbi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. فمن أحب الصحابة رضي الله عنهم فقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. L'amour des compagnons fait partie de l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم. Mais celui qui aime les compagnons est comme s'il avait aimé le prophète صلى الله عليه وسلم. ومن أبغض الصحابة فقد أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. Mais celui qui déteste les compagnons, eh bien, c'est comme s'il avait détesté le prophète صلى الله عليه وسلم. فهذا الواجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. Et ceci, eh bien, est notre devoir concernant les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et radiyallahu anhum. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ceci, eh bien, est le chemin de أهل السنة والجماعة concernant les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. والذين ضلوا في هذا على فريقين. Et ceux qui se sont égarés concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de deux catégories, sont en deux groupes. Fariq al-Nawasib wa Fariq al-Rawafid. Premier des groupes c'est al-Nawasib. Et le deuxième c'est al-Rawafid. Ils se sont égarés concernant les compagnons. Ils sont partis aux extrêmes, ils ne sont pas restés au juste milieu. Comme Ahl Sunnah. Fal-Rawafid yukaffiruna الصحابة ولا يستثنون إلا أربعة من الصحابة هم علي وأبو ذر وسلمان والمقداد ابن الأسود. الروافض, ce sont ceux qui rendent mécréants les compagnons à l'exception de quatre compagnons qui sont Ali رضي الله عنه, أبو ذر, سلمان الفارسي et Al-Miqdad ibn al-Aswad. Ces quatre-là, ils ne les rendent pas mécréants. Mais le reste, ils disent qu'ils sont mécréants. Wal-iyadu billah. Ça, c'est al-Rawafid. Wa yaghluna fi Ali. Wa yaquluna inna Aliyan huwa al-wasiyu بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروافض ils font de l'exagération concernant Ali رضي الله عنه. Et ils disent que Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été recommandé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna khilafata Abi Bakr batilatun wa dhulmun wa ightisab. Et ils disent que le califat de Abu Bakr radiyallahu anhu est un califat invalide et qu'il a été pris par injustice et transgression. Wa yaqulun anna khilafata Umar wa Uthman كلها ظلم واغتصاب. Et ils disent que le califat de Omar et de Othman également, eh bien, c'est de l'injustice et de la transgression. لأن الخلافة لعلي. لأن الخلافة لعلي رضي الله عنه. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le califat devait revenir à Ali. أما النواصب. النواصب فيبغضون عليا رضي الله عنه ويتكلمون فيه وفي أولاده. النواصب eux c'est le contraire. Eux ils détestent Ali رضي الله عنه وارضاه. Et ils parlent sur lui et le dénigrent. Et ils parlent également sur ses enfants, الحسن والحسين et sa descendance. الخوارج والخوارج كفروا الصحابة جميعا. Alors quant aux خوارج, eux ils ont rendu mécréant tous les compagnons. Wa ahlu sunnati wal jama'a yatawalluna jami'a sahabati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ahlu sunna wal jama'a, eux sont dans le juste milieu. Ils prennent pour alliés tous les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ahl bayti ar-rasul wa ghayrihim. يتولونهم جميعا ولا يفرقون بينهم. Que ce soit qu'ils fassent partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre, eh bien, Ahl Sunnah wal Jama'a prennent pour alliés tous les compagnons et ne font aucune différence entre eux. Na'am, ba'duhum afdal min ba'd. Bien entendu, comme tout le monde le sait, certains compagnons sont meilleurs que d'autres. فالخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم من الصحابة. Comme on sait, eh bien les quatre califes successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, et les 10 et les 6 autres, c'est-à-dire qui ont les 10 en tout à qui on a promis le paradis, eh bien ceux-là, bien entendu, ils sont meilleurs que le reste des compagnons. Wa ahlu Badr afdal min ghayrihim, et ceux qui ont assisté à la bataille de Badr sont meilleurs et bien que les autres. Wa ahlu Bay'at ar-Ridwan wal Muhajirun afdal min al-Ansar, walakin at-tafdhil la yaqtadi intiqas al-mafdhul aw al-kalam fihi. Donc certains compagnons sont meilleurs que d'autres, mais ce n'est pas parce que certains compagnons sont meilleurs que d'autres que ceux, eh bien, qui sont moins meilleurs, on va dire que ça comme ça, eh bien, on doit les dénigrer et on doit parler sur eux. كلهم لهم فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Tous, eh bien, ont le bienfait d'avoir accompagné et d'être les compagnons du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les gens de la sunna, eux, sont dans le juste milieu concernant les compagnons du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. بين الروافض والخوارج والنواصب. Ils sont entre tous les groupes égarés que sont الروافض, الخوارج والنواصب. يتولون الجميع. Ils prennent pour alliés tous les compagnons. أهل السنة والجماعة. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقرونهم. Et également ils aiment أهل السنة والجماعة, on aime la famille du prophète صلى الله عليه وسلم et on les respecte. ولكنهم لا يغلون فيهم, mais on ne fait pas d'exagération et de l'excès concernant la famille du prophète صلى الله عليه وسلم. كغلو الرافضة حتى قالوا إن الخلافة لعلي ولذريته. Comme le font Rafida, qui eux disent que le califat devait revenir à Ali et ensuite à sa descendance. وأن الصحابة اغتصبوها وظلموهم ويلعنون أبا بكر وعمر ويسمونهم صنمي قريش. Et donc Rawafid, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le califat devait revenir à Ali et que les compagnons ont trahi Ali et ont fait de l'injustice à Ali et à sa famille, radiallahu anhum, et qu'ils ont transgressé. Et Rawafid maudissent, ou l'ayadu billah, ils maudissent Abu Bakr wa Umar et ils les appellent les deux idoles de Quraysh. Qabbahahum Allah. وكل آية فيها ظلم وكل آية فيها كفر ينزلونها على الصحابة. Et chaque verset Rawafid, chaque verset où est-ce que, eh bien, il y a Allah subhanahu wa ta'ala évoque de l'injustice et évoque de la mécréance, il l'applique sur les compagnons. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. وَقَوْلُهُ هُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ. بين الروافض والخوارج والنواصب أيضا. الخوارج كفروا عليا وعثمان وكثيرا من الصحابة. Donc ensuite, Cheikh dit que Ahlul Sunnah wal Jama'a, ou la position de Ahlul Sunnah wal Jama'a est le juste milieu concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont entre الروافض, les rafidites, et الخوارج. Entre Al-Rawafid, Al-Khawarij ou Al-Nawasib également. Et Al-Khawarij, ce sont eux qui ont rendu mécréant Ali, qui ont rendu mécréant Uthman et énormément de compagnons. Bainama Al-Rawafid, ala al-aks, ghalaw fi Ali, wa a'taqadu annahu al-khalifatu ba'da Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa annahu huwa al-wasi. وأن الصحابة ظلم اغتصبوا حقه. Alors que de l'autre côté, الروافض, eux, ils ont fait le contraire. Ils ont fait de l'exagération concernant Ali. Et ils disent que le califat après le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait revenir à Ali, puisque, eh bien, il a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que les compagnons sont des transgresseurs et des injustes. Et qu'ils ont pris le droit qui revenait à Ali. Wal khawarij kaffaru Aliyan wa sahaba. Alors que le khawarij, eh bien, ils ont rendu mécréants Ali et les compagnons. Bainama ar-rawafid bil aks ghalaw fi Ali hatta inna ghulatahum yaqulun huwa Allah wal a'udhu billah. Alors que ar-rawafid, eux, ils ont fait le contraire. Ils ont fait de l'exagération concernant Ali jusqu'à que ceux ou les plus fanatiques d'entre eux aient dit que Ali, eh bien, c'est Allah. Wal'iyadu billah. Walladhina duna al-ghulat la yaquluna dhalik. Walakin yukaffiruna as-sahaba wa yasifunahum bil-dhulmi wat-tughyan wa yal'anunahum wa yashtimunahum fahum 'ala tarafay naqid. Mais ceux qui ne font pas de fanatisme, eh bien, ne disent pas que Ali est Allah, mais ils rendent mécréants énormément de compagnons. Et ils les caractérisent comme étant des injustes et comme étant des transgresseurs. Et ils les maudissent et ils les insultent. Et donc, le Khawarij ou le Rawafid, eh bien, sont deux opposés. Wa ahlu sunnati wal jama'a, kama dhakarna, tawallaw jami'a as-sahaba. Wa arafu qadra ahli al-bayt. ولم يفرق بين احد منهم عملا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors que Ahl al-Sunna wal Jama'a, comme on a dit, eh bien, prennent pour alliés tous les compagnons et reconnaissent la valeur des gens de la famille du prophète صلى الله عليه وسلم, mais ils ne font aucune distinction, aucune différence entre aucun des compagnons. Et ceci en appliquant, eh bien, la recommandation qu'avait faite le prophète صلى الله عليه وسلم concernant ses compagnons. هذا هو المذهب في الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الأمة. Et donc ceci est la voie à suivre concernant, eh bien, les compagnons رضي الله عنهم qui sont les meilleurs de cette communauté. فقال صلى الله عليه وسلم خيركم القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما خرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, les meilleures personnes d'entre vous, ce sont ceux de mon époque, yani les compagnons. Ensuite, ce sont ceux qui ont vécu à l'époque d'après, et ensuite ce sont ceux qui ont vécu à l'époque d'après, yani qui les ont suivis. فهم خير القرون وهم أفضل الأمة وهم الذين أوصى بهم الله تبارك وتعالى وأوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين نشروا الإسلام لما تحملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Et donc les compagnons رضي الله عنهم, ce sont les meilleurs de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé d'être bienveillant et de respecter et d'aimer les compagnons radiallahu anhum. Et ce sont eux qui ont transmis l'islam quand ils l'ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ballaghuhu lil umma, et ils l'ont transmis à la communauté. Min ayna wasalana hadha l'islam illa an tariq as-sahabati radiallahu anhum. Et d'où est venu eh bien l'islam si ce n'est de la part des compagnons رضي الله عنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كلها رواتها من الصحابة رووها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Et donc les compagnons رضي الله عنهم, ce sont eux les intermédiaires entre nous et entre le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et tous les hadiths qui sont rapportés du prophète صلى الله عليه وسلم ont été rapportés par les compagnons qui ont rapporté ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.